Évasion littéraire. Plongeant dans les pages d'un livre, je trouve un abri, un monde de rêve où je peux m'enfuir. Chaque mot est un doux répit contre les tempêtes, un lieu pour me blottir. Lire, c'est s'évader, c'est trouver la paix. Dans les histoires, les mots sont apaisés. Un refuge de papier, un havre enchanté, où les misères de la vie sont oubliées. Les héros des romans deviennent mes amis, leur aventure, mes propres épopées. Dans chaque chapitre, je me sens ravi, les soucis du monde soudain dissipés. À lire, c'est s'évader, c'est trouver la paix. Dans les histoires, les mots sont apaisés. Un refuge de papier à havre enchanté, où les misères de la vie sont oubliées. Les pages se tournent et le temps s'arrête. Dans cet univers, je me sens protégé. Les mots tissent une toile secrète, un cocon de lettres où je peux rêver. Lire, c'est s'évader, c'est trouver la paix. Dans les histoires, les mots sont apaisés. Un refuge de papier, un havre enchanté, où les misères de la vie sont oubliées. Chaque livre est une porte ouverte vers des horizons lointains et variés. Un voyage sans fin, une quête offerte pour l'âme en quête de sérénité. Lire, c'est s'évader, c'est trouver la paix. Dans les histoires, les mots sont apaisés. Un refuge de papier, un havre enchanté, où les misères de la vie sont oubliées. Les mots sont des clés, des trésors cachés. Ils ouvrent des mondes, des rêves éveillés. Dans chaque phrase, un secret à dénicher. Un remède aux peines, au cœur apaisé pour ta santé. Lire, c'est s'évader, c'est trouver la paix. Dans les histoires, les mots sont apaisés. Un refuge de papier, un havre enchanté, où les misères de la vie sont oubliées. Livres sont des amis fidèles, toujours présents, jamais infidèles. Dans leurs pages, je trouve des merveilles, un réconfort doux, une lumière éternelle. Lire, c'est s'évader, c'est trouver la paix. Dans les histoires, les mots sont apaisés. Un refuge de papier, un havre enchanté, où les misères de la vie sont oubliées. Alors je lis encore et encore, chaque livre est un nouveau trésor, un refuge sûr, un doux réconfort, quand les misères... Ah, les misères m'ont eu un puissant ressort. Lire, c'est s'évader, c'est trouver la paix. Dans les histoires, les mots sont apaisés. Un refuge de papier, un havre enchanté, où les misères de la vie sont oubliées.